17h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h. Le matin, c'est bien. Et c'est Francky. Arc-en-ciel. Du lundi au vendredi, c'est Francky au réveil. 7h, 9h. Vous êtes un bon réveil, il est 7h04, ça fait du bien de vous retrouver ce lundi matin, et puis sous le soleil, ça c'est la très très bonne nouvelle, le soleil sera bien présent partout sur Orléans et ça va durer toute la semaine. Ah, que du bonheur, aujourd'hui va être la journée la plus chaude, et jusqu'à 31 degrés. Bon dia la familia, du son caliente qui arrive et à The Avenir. A smile. And tonight, I've got to be honest. Talking with my heart. Do you know who you are? Fall, 7h08 avec The Avengers, ça fait du bien. Un peu de son comme ça, du soleil pour bien vous retrouver, peut-être au boulot déjà. Salut José qui est là. Salut Francky, belle journée à toi sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Bah oui, on est là. Et puis est-ce que vous êtes pour ou contre le pass sanitaire? On veut tout savoir ce matin. Vous prenez votre smartphone, c'est gratuit. 02 38 43 48 00. Vous pouvez nous appeler et puis on en parle, on en discute. On aura peut-être une infirmière tout à l'heure qui pousse un coup de gueule au téléphone. Ouais, ouais, parce que s'ils sont pas vaccinés, bah ils peuvent plus travailler certains. Ça va foutre le bordel à la rentrée. Hein. Bon, on en parlera dans la matinée. En tout cas, on est heureux de vous retrouver. 96.2 FM, c'est la fréquence du matin au réveil. 31 degrés aujourd'hui. Oh là là, ça va être caliente. Et puis le meilleur des remixes sur votre radio couleur avec Aretha Franklin, la reine de la soul music avec Feng, version 2002. Elle est terrible cette version. Écoute, c'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. We'll be right back. fan de la salle de musique, Aretha Franklin, 7h11 minutes. Salut Mathieu, pompier de garde à Orléans, salut Francky. On écoute Arc-en-Ciel à la caserne. Ah, ça fait plaisir. Ça fait zizir les pompiers, salut à tous nos amis. La Kizomba, c'est bien ça, pour vous réveiller tout en douceur. Sabes bem qual é a minha função. Esta noite eu e tu não há colchão. Pode ser no sofá ou no chão. Onde tu quiseres vai meu coração. Cuidado comigo, quando estou contigo fico possuído. Sim, vamos te agachar, vamos abusar. Não vamos parar por aqui. Vem, aproxima mais pouco. Não te agacha desse teu jeito louco. Me meto no teu calabouço, porque eu sou um demônio, sim. Ai, ai, na tarraxinha. Ai, ai, quero te possuir. Ai, ai, na minha cozinha. Porque eu sou um demônio, sim. Ai, ai, na tarraxinha. Ai, ai, quero te seduzir. Ai, ai, vem malandrinha. Continuar assim, tem que te mostrar o melhor de mim. Do jeito que eu estou a enlouquecer, para mim está a ser um grande prazer. Estar agarrado a ti, sentir o teu calor, cheirar o teu perfume. A chapa está quente, eu já estou no lume. Deixa esquentar. Cuidado comigo, quando estou contigo fico possuído. Sim, vamos te arrachar, vamos abusar. Não vamos parar por aqui. Vem, aproxima mais pouco. Não te agacha desse teu jeito louco. Me meto no teu calabouço, porque eu sou um demônio, sim. Ai, ai, na tarraxinha. Ai, ai, quero te possuir. Ai, ai, na minha cozinha. Porque eu sou um demônio, sim. Ai, ai, na tarraxinha. Ai, ai, quero te seduzir. Ai, ai, vem malandrinha. Eu sou um demônio e uma diabinha. Vou te possuir, baby, na minha cozinha. Encosta mais em mim, vem malandrinha. Vou te dar aquela pura, pura tarraxinha. Vem, aproxima mais pouco. Me tarraxa desse jeito, baby, quero ficar louco. Sou tipo colosso, vá lá. Me leva o teu calabouço. Porque eu sou um demônio, sim. Ai, ai, na tarraxinha. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. C'est dur la veille ce matin. Bah ouais, pas facile, hein. Il y en a qui dorment très peu en ce moment. Vous êtes nombreux déjà à vous connecter sur le réseau Facebook. Bah je suis là, Annabella qui est là. Salut, bonjour Andy, bonjour Annabella. Christelle, la chroniqueuse qui vient de temps en temps ici. Bon lundi, belle semaine Francky, merci. Delphine qui est là, salut Delphine. Je t'appelle tout à l'heure à la radio, bah ça fait plaisir. 02 38 43 48 00, il sera au Zénith d'Orléans avec Radio Arc-en-Ciel. Ça, ça nous fait plaisir. Tony Carrera, le 21 janvier 2022. Voici la prise de Claude François, Claude d'habitude. Não tem nada a mãe, mas tu se amores. Conheço bem a despedida. Eu sei, foi sempre assim a minha vida. John comme d'habitude, la reprise de Claude François par Tony Carin. Je vous rappelle, il sera aux élites avec Radio Arc-en-Ciel le 21 janvier. Quelle belle reprise en version portugaise. Ah, ça me fait plaisir de retrouver Tony Carin. Et plaisir de vous retrouver Claude François qui avait écrit cette chanson en 1967 pour une rupture amoureuse avec la chanteuse France Gall qu'il avait rencontrée, qu'il avait côtoyée, qu'il avait aimée, bien sûr. On est heureux d'être avec vous à 7h20 du mat. Oh là là. Salut à Nandia qui est connectée. Salut à José aussi. Allez, Maloma et Ricky Martin, histoire de sortir du lit. Bon petit déj, bonne route à ceux qui sont déjà sur la route du taf. Bah, il faut y aller, hein. Et sur les chantiers, on salue aussi Alberto qui est là connecté sur un chantier. Salut Francky, belle journée à toi. Ah, ça me fait plaisir. Delphine qui est là aussi. Belle journée. Bon réveil. Maloma. Es que la noche fue oportuna. Pa' lo que siento no hay vacuna. Y es que yo no te puedo olvidar. Y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas. Lo sabes, me gusta. Y por más que trato, oh, oh, no se me quita. Eso no se me quita. El sabor de tu boca. En mi boca y eso no hay quien lo frene. Fue sin aviso y ahora me tiene la mente en la luna y lo quiere en el piso. No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca y eso no hay quien lo frene. Fue sin aviso y ahora me tiene la mente en la luna y lo pies en el piso. Mamacita, yo te vi, me gustaste tanto. Pasaste por el lado y me quedé mirando. Sentimos una conexión de inmediato. Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby. Es que tu cintura candela. Te pegas y ya siento que tu piel me quema, morena. Descontrola mi sistema. Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena. Y es que la noche fue oportuna. Va lo que siento, no hay vacuna. Y es que yo no te puedo olvidar. Que no me ayuda. Tú abusas, me usas. Lo sabes, me gusta. Y por más que trato, no se me quita. Esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo frene. Fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. No se me quita, eso no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo prende. Fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Aquí otra vez estoy pensándote. No sé por qué te extraño. Si somos dos extraños. Yes. Comenzó con un beso prestado y terminó un poco más descarado. Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Ah, j'adore. Maluma, Ricky Martin. Opa, hola la familia. 7h22, Sonikita. On est heureux de vous retrouver, Francky, jusqu'à 9h. Avec du soleil, la météo qui arrive dans quelques minutes. Et puis, c'est ce que dit Delphine. On s'attache en ce moment. On est heureux, on est amoureux. Bah ouais, l'été qui est là, on a le temps de s'attacher avec le meilleur des souvenirs. Et Christophe, ouais, on s'attache. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas mal des grâles du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pas contre l'amour, je sais même plus t'en pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, d'un chef de file. Mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'en vis même pas les hommes qui papillonnent. Tant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache. ensemble avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non plus s'attache. Ah ouais, attache-moi. Pourquoi pas le matin? Très bien, réveil. Heureux d'être avec vous, la météo pour aujourd'hui. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire beau juste avant. Perfect. Et ça, vous l'adorez sur la radio couleur. J'ai trouvé l'amour. Fais pour moi. Ne regarde pas autour. Et suis mes pas. Parfait, parfait chérie, parfait, bah ouais, comme Sabrina qui est parfaite. Bonjour Sabrina. Bonjour Francky, comment ça va? Bah bandia, hein, c'est ce qu'on dit chez vous. Oui, bandia. Alors ce qui est bien, c'est que toi tu n'étais pas d'Orléans, t'es du 74, ça se situe où ça le 74? Eh ben la Haute-Savoie. Ah la Haute-Savoie, eh ben salut la Haute-Savoie. Oh c'est beau de nous appeler, il fait beau, il y a de la neige là-haut, non pas encore? Ah bah non, attends, chez nous, attends, il a plu pendant des semaines, là il fait beau pratiquement aujourd'hui, mmh. La journée d'aujourd'hui, donc ouais. Non, l'été est bien là, donc... Ah bah ça fait du bien alors. Toi, on va profiter des mondes, des lacs, on va profiter des montagnes, ceux qui veulent visiter une belle région, bah venez nous voir. Eh ben on va venir, t'es une ancienne orléanaise, hein. J'ai vécu 37 ans sur Orléans. Et portugaise en plus. Portugaise et réunionnaise, attention. Ah ouais, c'est un bon mélange. En plus, t'es déjà venu à la radio, toi. T'es déjà passé chez nous. Oui, je suis déjà passé, oui. Ouais, et ben, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un rayon de soleil comme ça au réveil, Sabrina. Oh, t'es mignon, t'es adorable. Tu vas bosser, tu bosses dans quoi, toi? Moi, je suis auxiliaire de vie à domicile. Ah, est-ce que c'est facile aujourd'hui avec le mode Covid, hein? c'est y a des filles qui se mettent en arrêt comme tout dans tout plein de choses, mais ouais. non mais ça se passe très très bien. Vaccinée, bien sûr. Vaccinée, je suis bien je suis contre le pass sanitaire, bien sûr. Ah, t'es contre, non, ouais, d'accord. Je suis contre, mais je suis vaccinée par rapport à mon travail. Ouais, tu es contre parce que je discutais avec une infirmière ce week-end qui est contre aussi, et justement, elle sera peut-être licenciée à la rentrée parce qu'elle veut pas se faire vacciner, etc. Et puis du coup, elle risque de perdre son emploi. Tu en penses quoi, toi, aujourd'hui, ça? Après moi j'ai mon point de vue à moi, donc c'est la dictature, hein. Bien sûr, c'est une forme de dictature, et je comprends pourquoi les gens ils se battent contre le pass sanitaire, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Exactement, ouais. Et je sais que j'ai plusieurs amis qui ne seront pas vaccinés, mais moi je l'ai fait par rapport aux personnes que je m'occupe, et moi c'est pas par rapport à ma liberté, hein, je m'en fous de ma liberté, hein. Ouais. Mais c'est juste que je travaille avec des personnes qui sont vraiment à risque. Ouais, c'est sûr. J'ai aussi envie de protéger mes enfants. C'est ça. Mais c'est un choix personnel. Libre choix pour toi. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir la Haute-Savoie au téléphone qui est sur Internet. Merci Sabrina, avec ton beau sourire, comme tout le temps. Hein. Oh bah écoute, ma folie, je ne la changerai pas. Il y a 40 ans, c'est fini. Hein. Bah voilà, change pas, 40 balais, ouais. On peut pas changer la folie. Hein. Non, et puis vous me manquez. Le jour où tu viens à Orléans, tu viens nous voir à la radio, hein. Il y a pas de souci, avec un grand plaisir, et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Ouais. Et profitez, faites très attention à vous, surtout prenez soin de vous. Et ben voilà, avec ces belles paroles, big up à la Haute-Savoie. Salut la Haute-Savoie. Allez, bisous, bonne journée. Bisous, salut Sabrina, en direct. Eh, ça fait plaisir d'avoir des gens de Haute-Savoie. Et puis le meilleur des souvenirs, rappelez-vous ce film terrible. Sur votre radio couleur avec le meilleur des souvenirs, Heartbeat on Fire, Bookie One Dance. Stéphania qui me dit j'adore ce titre, superbe film. Ouais, forcément, ça rappelle des bons moments. Double votre salaire. Non, on n'a pas encore assez de thunes à la radio, Joël. Désolé. Peut-être double autre chose. On va vous doubler quelque chose, mais je sais pas quoi. Bah, si vous êtes entrepreneur, vous voulez doubler le salaire d'un auditeur, eh bien allez-y, vous me faites des propositions. Toujours pas de photos de cette Porsche qui circule sur Orléans, une belle Porsche cabriolet, rouge. Ah là, j'attends des photos. Hein. N'hésitez pas. Et là, je vous promets, je vous mets le sac de l'été, arc-en-ciel avec le tour de cou là, pour vous faire plaisir. Eh ouais, pour partir en vacances, peut-être vous qui allez partir bientôt à l'île Charlemagne en tram. Quelles vacances terribles. Et puis le meilleur de la radio, c'est tout de suite sur votre radio couleur. Salut Olivier qui est du côté de Chargy aussi. Ah ouais, je reçois des textos de fou quand même, de folle surtout. Earthville on Fire. Et puis le meilleur, eh, forcément, si vous allez du côté d'Ibiza, c'est le remix. Allez, on s'est le 7h41 avec le meilleur de David Guetta. On ira du côté du Cap d'Agde tout à l'heure vers 8h30. Comment que ça se passe au Cap d'Agde en ce moment? Eh bien, on se rend en direct là-haut. Du coup, on a un touriste. Bah ouais, c'est comment là-haut sur le camp en ce moment? Eh bien, tout à l'heure, restez connectés. 8h30 en direct avec le meilleur de David Guetta. Puis les souvenirs qui arrivent. Eh ouais. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Eh, t'avais quel âge à l'époque? Docteur Alban, 1990, le meilleur de la musique, Sing Hallelujah. Salut, José qui est du côté du chantier de Saint-Jean-de-Bray. On t'écoute Francky, on est dans le camion là. Ah ouais, fait plaisir, dans le camion. Viva Portugal le matin, Bandi à la familia, Sing Hallelujah. Eh, dommage que j'ai pas assez de thunes pour vous doubler le salaire. Sinon, je vais doubler, tripler le salaire même. Heureux d'être là. 02 38 43 48 00. C'est le numéro standard si vous êtes sous la douche en train de chanter. Même si vous chantez faux, c'est pas grave. Vous nous appelez. 02 38 43 48 00. balançait dans les cages à l'époque. Ouais, on était bien, hein. C'est Alléluia, Docteur Alban. 7h44 minutes. La météo. Ah, la météo. J'ai le rhume des foins aujourd'hui. Vous savez ce que c'est le rhume des foins? C'est les allergies au pollen, tout ça, là. J'arrête pas d'éternuer. J'ai chopé un rhume de nez. Voilà. C'est comme ça. Joël qui se marre. Ouais, Joël, la main sur le noir. Salut la famille de... Eh, la Porsche, toujours pas de photo, hein. Je vous rappelle que j'ai le package à vous offrir si vous m'envoyez une photo sur mon Facebook Franck Lemaire, Radio Arc-en-Ciel. Eh, la météo pour aujourd'hui, eh bien, ça démarre fort. 13 degrés du soleil, comme vous pouvez le constater sur Orléans. Et ça va être la semaine, une journée très très chaude aujourd'hui. La semaine la plus chaude quasiment. 31 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle pour aller travailler. 31 degrés. Et je peux vous dire, ça va faire du bien au moral. Donc, commencez pas à gueuler. Ouais, il commence à faire chaud aujourd'hui. Je vous vire de la radio, hein, si vous gueulez. Le meilleur des souvenirs sur votre radio couleur. Histoire de bien vous emmener à la porte du bureau ce soir. Ce matin. Ouais, moi, je fais tout. Le soir, le matin. Avec des souvenirs, caliente. Et puis, du lourd aussi. Avec Paris Latino. Version 2021 pour Paris Latino. On a fait la fête là-dessus. Hein. Edouard, salut Edouard, du côté d'Orléans. Merci pour tout de ça. Ça me fait plaisir ce petit remix. Ouais, Manu Naxan. Et puis pas mal de folles ce matin qui sont du côté d'Orléans. Salut les folles. Même pas sur le regard de la folle. Du groupe qui arrive. On aura la Jarry aussi au téléphone normalement tout à l'heure avant 9h qui vont tourner leur nouveau clip à Orléans. Peut-être qu'ils vont nous en parler. Voici Marwan Lod. On adore. C'est la folle. Oh, la folle, elle est repartie avec ton gars.

j'adore, j'adore. Et en plus avec le soleil, ça c'est bon, ça nous met de bonne humeur. Et puis dès qu'il y a du soleil, les gens sont de bonne humeur. Salut Estelle. Merci Francky pour Nicky Yam. Ah ouais, ouais, c'est du bon ça. Et puis là je vais vous faire penser un petit peu à vos vacances. Si vous partez au mois d'août là du côté de du Portugal, de l'Espagne, d'Ibiza, vous allez peut-être faire la fête sûrement avec avec des bars, des restaurants, peut-être des discothèques ouvertes sur la côte. Et puis Edouard Maya, le meilleur des souvenirs stéréo love. Coucou à Pascal. Salut Francky, belle journée. On est à Olivet, on est sur un chantier. Bah voilà, sur le chantier. La musique à fond, la musique de Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Stéréo love, c'est votre radio couleur. Sur la tangentielle en train de gueuler, bah ouais, ça roule un petit peu quand même ce matin. Allez, soyez patients, soyez prudents sur les routes. Salut Josie qui est connectée avec le meilleur des souvenirs, mon poteau de Paris qui reprend Bruel à merveille et vous adorez sur votre radio couleur, Rodrigo Ace. Et je te le dis quand même, Radio La Canciel. À 8h pile du matin, Madame Alves au Portugal qui est avec nous au téléphone. Bonjour Madame Alves. Bonjour Francky. Oh ben ça fait plaisir d'avoir une belle voix à la radio le matin. Comment elle va bien Madame Alves? Très bien avec ce beau temps, on est heureux. Oui, je suppose que vous êtes portugaise Madame Alves. Ouais, je sais pas. Hein? Je sais pas. Comment on dit bonjour, bon réveil, la famille en portugais? Allez, comment ça se dit ça? Bah, on est sur une radio arc-en-ciel, on va parler portugais, ça y est. Non, mais on peut. Comment on dit bonjour et bon réveil à toute la famille? D'abord, on dit bon dia. Bon dia, ouais. Et bon réveil. Tout douche la famille. Voilà. Ah ben voilà, donc ça y est, je suis portugais, j'intègre la famille de Portugal. Ah non, ça y est, doucement. Bon, comment se passe le réveil de Madame Alves? Bien aujourd'hui, avec le soleil? Ah bah bien, un petit peu fatigué vu, on a super bien travaillé hier, donc c'est un petit peu courbaturé. Ah bah oui, c'est ça de faire du sport en chambre, hein, non? Non, en terrasse. Ah terrasse, ah oui, sport en terrasse. Restauratrice, alors comment ça se passe la reprise des restaurants pour vous, Madame Alves? Bah, on a des petits pics où il y a beaucoup de monde, où il y a moins de monde, mais là on a beaucoup de touristes, donc c'est super quoi. Eh ben c'est bien, en tout cas. Super. Et en le pass, on en pense quoi alors, Madame Alves? Passe, ça va être compliqué ou pas après? Bientôt, on n'a pas le choix, mon pauvre Francky. Faut se faire vacciner, c'est ça? Ouais. Bah, faut se faire vacciner, puis contrôler, puis on n'a pas le choix. Eh ouais, c'est ça. C'est la loi. C'est ce qu'il faut se dire. C'est la loi, ouais. C'est moi, c'est ce que disait Rambo à l'époque. Hein. Ouais, mais là, on n'a pas le choix. Eh ben voilà. C'est compliqué, mais bon, faut le faire. Mais en tout cas, on a le choix d'avoir le sourire le matin avec vous, Madame Alves. Hein. Oui. Et voilà, le sourire, le smile est toujours aussi belle. Je vois vos photos sur Facebook. Vous étiez pas mannequin dans les années 80, non? Ah, je sais pas. Peut-être. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, Madame Alves. Bon courage, Francky. Bisous à tous. Ouais, salut. Bisous, Sonia. Ciao. Eh, ça fait plaisir d'avoir comme ça des gens bonne humeur le matin. Bah ouais, restauratrice à Orléans. On la salue, Madame Alves, Sonia. Tout le monde la connaît, Orléans. Bisous, la famille. On est dans la bagnole, je vous vois là, en train de conduire sur la tangentielle. Elle est sympa, là, Madame Alves, hein. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez passer un petit bonjour, bah pourquoi pas, il y a pas mal d'appels qui sont en attente là. On va essayer de passer tout le monde, hein. 8h04 en direct de Radar Franciel. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Repris par Danakil, et on adore sur la radio couleur. Salut Pascalou qui est connecté. Salut Pascalou, belle journée Francky. Merci Pascalou. Ah, ça me fait plaisir. David aussi qui est là. David Morera. Ben, bonjour mon David Morera. Voilà, sur le chantier Francky, on t'écoute à fond. Non, rien de rien. On vous aime à la radio. Yeah, you gotta hop. rien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours, yeah, avec leur trémolo, each and every day, like I'm continuing. Balayer pour toujours, swinging right along the way. Je repars à zéro. I have no regrets, I love you, baby. Non, rien de rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Trusting you, and that's exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most, and of course I will tell you, but I have no regrets for loving you. Cause I see that you're interested in me, baby. 8h07 sur votre radio couleur avec Dana Kill qui reprend à merveille. Non, rien de rien, je ne regrette rien. C'est vrai qu'il faut pas regretter dans la vie, c'est super important. Et puis une info, tiens, l'aide à la solidarité est en ligne normalement sur le site des impôts aujourd'hui pour ceux qui en ont besoin, les restaurateurs, les bars, les discothèques notamment, qui sont fermés sur Orléans. Et bien l'aide devrait être en ligne à 9h sur le site des impôts.fr. Bon, à 9h ça va être compliqué parce que tout le monde doit se connecter en même temps. Hein. Et ouais, les aides qui nous filent vraiment un coup de main. À vous, peut-être les restaurateurs, les bars, les restaurants, les discothèques. Organize pour le meilleur des souvenirs avec un titre que vous adorez. I never knew love like this before sur Radio Arc-en-Ciel. Forevermore, ever, ever, ever. Cause I never knew love. quelle voix les mecs, hein. À l'époque, on les avait fait en concert. Ah ouais. Mike et Robert, c'est une voix de dingue. Organize dans les années 2000. You know like this before. La famille, salut. Bon dia la famille. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot, c'est Francky. Bah ouais, il y en a qui vont au boulot, tout le monde n'est pas en vacances. Et puis, vous rappelez, France-Brésil en 1998, c'était un 12 juillet, où les Français avaient battu les Brésiliens, champions du monde, la bande à Zidane. Et bien justement, un des maillots de Zidane qui a été porté lors du match a été vendu aux enchères ce week-end, c'était à Beverly Hills. Et devinez la somme, 100 000 $. Un maillot de Zidane, c'est énorme quand même, hein. Bon, en tout cas, un beau maillot qui va peut-être porter chance à cette belle personne. Enfin, il faut avoir les moyens quand même. 100 000 $, le maillot de Zidane. Bah ouais, bah c'est des bons ça. Rodrigo Hayes, je vous le disais, mon poteau de Paris, qui viendra en interview à la radio bientôt avec Dime si te vas. Dime si te vas. ¿Qué pasó? Soy culpable de no haber sido más fuerte para los dos. Lo siento. Sur votre aide de couleur à Arc-en-Ciel Orléans 96 de FM, Rodrigo S. Dime, si t'es vaste. En tout cas, il va pas partir tout de suite, c'est le soleil qui est au rendez-vous toute cette journée. La météo. La météo pour aujourd'hui, ce 19 juillet. Bah déjà, ça passe vite. Ça y est, le beau temps s'installe enfin sur Orléans. Du soleil, comme vous pouvez le constater aujourd'hui au réveil, si vous êtes déjà au boulot. Le soleil va perdurer toute cette semaine. Et aujourd'hui, on va monter jusqu'à 31 degrés. Et puis, quelques nuages et quelques pluies, normalement, sont attendues samedi, dimanche. Normalement, mais bon, d'ici là, ça peut varier et changer. Bah oui. Salut, Sophie, du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Merci, Francky, d'être là, de nous donner du soleil le matin, ça fait plaisir. Bah, le soleil, il est là. Nicky Yam, Alvaro Soler qui arrive. Porque quieres engañarte, si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya no. Qui arrive toujours en numéro 1 sur les ventes d'albums. Ils cartonnent sur Bordeaux, sur la planète Terre. On les adore, collectif. Et puis, ça y est, après 9 mois de fermeture, la Tour Eiffel rouvre enfin ses portes à 50% de jauge avec bien sûr le pass sanitaire obligatoire. Donc, si vous allez du côté de Paris, pourquoi pas un petit tour du côté de la Tour Eiffel. Voici Sophia. que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo. Alvaro Soler, le meilleur des souvenirs, et ça fait plaisir de le retrouver, l'Espagnol. Et puis eux, ils entament une tournée sur la France entière, et c'est vrai qu'ils sont sur les routes en ce moment, et ça cartonne. Le collectif Métissé, voici le nouveau Caliente Cuduro, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Danse à la fino. Me dis que allez, viens, on va chanter. Allez, oh, oh, oh, oh, oh. Bruxelles, 8h25. Rien de tel pour vous mettre de bonne humeur le collectif Danza Latino et le meilleur des souvenirs. Au boulot, c'est Francky.

Interlocula. Ouais, on fait la fête dès le matin comme ça dans la voiture, peut-être sur la tangentielle. Salut Dominique qui est sur la tange. Salut Francky, belle journée à toi, ça me fait plaisir de te retrouver. Moi aussi. Hi baby, I love you. Il y a tout le monde. Kenza Farah, Pitbull, Ahmed Chouaki, c'est sur votre radio couleur. De ton amour dans mes nuits. Au creux de tes bras, je n'ai besoin de rien. Comme dans un rêve où je me sens bien. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. Oh, ya habibi, lala. Haram alik, khalini wahdak ya yom. Imshi min aini, nom min khouf ali. Habibi, I love you, I need you. For the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they going to kill me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Swiss rubber time out, final fold. So to the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do its part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur. Libodish, Tekelo, Miamor, et j'adore ce mec. Ouais, Pitbull avec Kenza, avec Ahmed Chouaki, I Baby, I Love You, puis vous adorez sur Radio France. On est heureux de vous retrouver. Ça me fait vraiment plaisir. Marie-Hélène qui est là, salut Marie-Hélène, belle journée à toi aussi sous le soleil de Radio Couleur. Ouais, vous êtes nombreux à nous écouter le matin et ça me fait vraiment zizir. Et une pensée à notre ami Jean-Pierre aussi de la radio. Voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil ce matin. Salut JP, courage à toi mon ami, on est là, la famille. Eh ouais, c'est ça. C'est Franck qui réveille, 7h-9h. Vous m'appelez 02-38-43-48-00, c'est le numéro du standard. Salut mon JP, plein de bisous. Teresa qui nous écoute aussi, salut Teresa, salut Marie-Hélène. Il y a vraiment du monde ce matin. Lucenzo, ça c'est le cousin, avec Don Omar. Te metió y no te niega aquí a salir. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude el duro. No te quite ahora, que todo solo empieza. Mueve la cabeza y sacude. Lucenzo, là il est avec Don Omar, Daddy Yankee, Pitbull, Big Ali aussi. Alors l'histoire, bah, c'est que Lucenzo, quand il a fait ce titre au début, il l'a fait tout seul. Puis ça marchait pas trop, c'est ce que me disait le manager. Et puis un jour, il rencontre Big Ali à Paris. Big Ali pose sa voix sur ce titre. Et puis là, carton planétaire. Hein. Et puis après, bah, il a fait des duos avec Daddy Yankee, avec Don Omar. Voilà un petit peu l'histoire. On vous souhaite une très bonne journée sous le soleil de Radar Français. Et ça me fait plaisir de vous retrouver. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. 96.2 FM et on est partenaire du concert de Tony Carrera. C'est le 21 janvier au Zénith d'Orléans. L'une est mon origine, l'autre est mon horizon. Et c'est leur voix divine qui rythme mes saisons. L'une m'a tout appris et l'autre suit mes pas. Je fais ce que je peux pour qu'elle soit fière de moi. Elles sont l'ordre des choses, mon trésor et ma chance. Et rien ne nous oppose, pas même la distance. L'une source de sagesse et de sérénité, l'autre élan de jeunesse, mon vent de liberté. Dans tous mes plus beaux souvenirs, elles sont là pour m'éblouir. Elles sont là pour me soutenir. Elles sont là, ma mère et ma fille, Maria et Sarah. Tu veux connaître celles qui font mon bonheur, viens vite à la fenêtre qui s'ouvre sur mon cœur. La sagesse et l'eau vive, elles seules peuvent m'apaiser. Elles, ce sont les deux rives où j'aime me poser. Dans tous mes plus beaux souvenirs, Maria et Sarah. S'il y a une montagne à gravir, elles sont là. Si je chavire, elles sont là. Même pour m'applaudir, elles sont là. Ma mère et ma fille, Maria et Sarah. Ma mère et ma fille, Maria et Sarah, Tony Carrera, la radio est partenaire, ça sera le 21 janvier au Zénith d'Orléans. Radio Arc-en-Ciel avec Tony Carrera. 8h49, minutes, Maria. Ouais, ça, quelle belle chanson. Ouais, ça donne la patate le matin, ça. Vous êtes peut-être au boulot. Et, du son caliente, chaleur avec Nadia et Enrique Iglesias, Terrain of Bank Story. Long for a life. 51 minutes sur votre radio couleur avec Enrique Iglesias. On devrait avoir le manager Lucenzo dans quelques minutes au téléphone. Ça me fait un plaisir de l'avoir. L'artiste est Mafiosa. On n'est pas 50, il y a un invité au téléphone. Le manager Lucenzo, on l'accueille tout de suite en direct du Portugal. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et non, il faut au téléphone parce qu'il est au Portugal, il est en vacances au soleil, il a de la chance. Et Alexandre, bonjour, bon dia Alexandre. Bonjour, bon dia à tous les auditeurs Radio Arc-en-Ciel, c'est un plaisir. T'es un salaud, tu me réveilles dès le matin. Je ne suis pas en vacances, si on peut. Eh ouais, mais c'est ça, mon ami, nous on fait de la radio, nous à 6h, on est déjà au taquet, hein. Alexandre Barrera, manager de Lucenzo. Eh, ça me fait plaisir, il y a longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone, Alexandre. C'est vrai, mais bon, nous, malgré les situations, la situation, et nous, on continue à taffer, on continue à travailler comme t'as pu voir. Tout le temps. Bah ouais, je regarde, hein, t'inquiète pas. On est déjà sur le troisième titre, sur le troisième single, qui fonctionne très très bien. Notre Lucenzo, il est revenu en grand. On prépare un album pour 2022. Ouais. Et voilà, on a signé sur le gros label Play 2, qui est le label aussi de Maître Gim, Sting, et entre autres. Et voilà, les choses se préparent, donc on a fait quand même quelques dates, mais voilà. Non, mais pas facile avec le Covid, hein. Non, là, même On devrait partir aux États-Unis du 17 au 23 août pour deux gros concerts. Mais malheureusement, aujourd'hui aux États-Unis, il faut faire une quarantaine pour là-bas. Ouais, ouais. Les états sont bloqués et tout ça. Mais bon, meilleurs jours viendront, quoi. Bah ouais, sinon Lucenzo, il va bien, hein, il est en forme. Il est en forme. Là, il va partir au Brésil pour clipper le nouveau morceau. Mmh. Et voilà, non, il est toute l'équipe est au taquet, toute l'équipe est en forme. Quoi. Et voilà, donc les nouveautés vont arriver au fur et à mesure. Voilà, Alexandre, on est en direct du Portugal. Tu es où au Portugal là? Je suis à Prague, hein, exactement. Ah d'accord. Parce que moi, j'ai ouvert. Société de spectacle aussi ici. D'accord. Parce que, ouais. À part Lucenzo, j'ai d'autres artistes, un label et tout ça. Mmh. Et ouais, je me suis aussi installé au Portugal. J'ai ouvert un bureau juste le centre de Braga. Au bord de la mer? Non, non, on n'est pas au bord de la mer. Je connais pas. On n'est pas loin. Et un jour, j'irai te voir, promis. Est-ce que tu as un message à dire en portugais, aux portugais qui nous écoutent sur Orléans? Ils sont nombreux le matin. Queria desejar um feliz dia a todos os portugueses e toda a gente que sofreu relativamente à pandemia, que tivesse coragem. E aconselho também a toda a gente se vacinar, eu já fui vacinado. E é importante para a gente conseguir vencer esta pandemia e voltar de novo aos espetáculos, como em Orleans, durante mais de 10 anos fiz grandes espetáculos e isso acho que vai de novo voltar. Temos de ter esperança e fé e, sobretudo, protejam-se e vacinem-se. Voilà, merci. J'ai aqui, donc, mais j'appelle Jean aussi pour se faire vacciner, c'est important pour qu'on puisse retrouver nos spectacles. Eh ben, merci de nous avoir consacré, et excuse-moi de t'avoir réveillé, désolé, je serai puni. Non, y a pas de problème. En tout cas, attends, il y a José qui me dit merci, force à Lucenzo, et vivement son retour. Merci Alexandre de nous avoir accordé cette interview. C'est José qui est sur le chantier aujourd'hui. Bah oui, il travaille, il est portugais. Hein, merci, sur le chantier. Merci à José, c'est ton plaisir. Voilà, merci Alexandre, à très vite. Et puis va, à bientôt. Bah, va te coucher, c'est bon, tu peux être couché. Hein. T'inquiète pas, je vais reprendre le boulot là. On écoute Lucenzo, bye la boss, merci Alexandre. Lucenzo sur Radio Arc-en-Ciel, voici Bay Lamos. Es que su carita me mata, me sedució con su mirada y me dejó ilusionado. Estoy enamorado de verdad. Ella sabe de lo que se trata. Yo sé que nunca le interesó la plata. Ahora se queda sola y desesperada. Como una malvada, solita se va. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada. La conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Bailamos con más sensualidad. Pa' mantener la complicidad. Eso te vuelve muy loquita, mamita. ¿Por qué no me llamas? Quiero saber. Es que eso me mata, no sé qué hacer. Sonrisa de gata, como tú me tratas. Conmigo hasta el amanecer. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. La conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. En direct, ça fait plaisir de retrouver Lucenzo. Je vous retrouve demain à partir de 9h jusqu'à 7h. Face à l'envers, 7h-9h. Et direction le Portugal. On y était il y a quelques minutes avec Alexandre Barrera, le manager Lucenzo. Et c'est les infos qui arrivent du Portugal.